Chapitre 11e, au-dessus de l'immensité. Ils avaient atterri entre le chemin de fer et la route de Saint-Brieuc. Les deux aviateurs ne perdirent pas leur temps à visiter Quimper. L'ingénieur se rendit immédiatement en ville afin de se faire mener la quantité d'essence nécessaire pour faire le plein du réservoir et compléter l'approvisionnement en bidons de 10 litres, dont 30 furent soigneusement arrimés derrière les sièges. Puis ils profitèrent de la circonstance pour entamer leurs provisions et faire un repas qui s'imposait, installé dans leur appareil que, par précaution, ils ne voulurent pas quitter. Inutile de dire que, dès le premier moment, un grand nombre de Quimpérois étaient accourus, intrigués par l'atterrissage inopiné de cet aéroplane si différent des autres, par ses dimensions, ses ailes en B et ses flotteurs. Parmi eux, il s'était trouvé quelques notables et deux officiers de marine, lesquels n'avaient pu s'empêcher de s'enquérir du dessin des aviateurs. L'ingénieur avait tranquillement répondu que leur appareil était un nouvel hydroaéroplane dont ils allaient expérimenter les qualités au-dessus de l'océan. Comme quelques-uns insistaient, sans patience était intervenu, et l'on devine que son intervention avait suffi pour mettre tous les curieux en déroute. Leur repas terminé, l'ingénieur se livra à un dernier et minutieux examen de tous les organes de l'appareil, examen au cours duquel il constata que son aéroplane avait admirablement supporté cette première partie de l'épreuve. Puis tous deux s'installèrent, le moteur fut mis en route, le grand oiseau roula une quarantaine de mètres et finit par s'envoler. Mais l'ingénieur le sentit moins maniable que le matin, et il eut quelque peine à s'élever à 100 mètres de hauteur. « La surcharge d'essence, expliqua-t-il à son ami, c'était prévu, mais tout de même j'ai peut-être exagéré. Si vous pensez que l'appareil va trop fatiguer, ne vaudrait-il pas mieux atterrir et laisser 50 litres d'essence ? À quoi bon ? Cette altitude de 100 mètres est suffisante, puisqu'il n'existe sur notre route aucun relief du sol avant d'arriver au-dessus de l'eau. D'ailleurs, l'allègement va se faire de lui-même au fur et à mesure de la consommation du carburant. » Bientôt, ils aperçurent devant eux la ligne sombre des falaises, et au-delà, une immensité glauque qui était l'océan. Quelques minutes encore, puis ils abordèrent la côte déchiquetée et l'hélice tourna au-dessus des flots dont ils entendaient le bruit sourd et profond retentir au pied des rochers. Ce fut là que sans patience éprouva sa première émotion. Il venait de constater que l'appareil était très secoué. Lorsqu'il le sentit, pour ainsi dire, se dérober sous lui, en même temps qu'une illusion d'optique lui montrait la mer se rapprocher rapidement comme montant vers eux. « Mais nous tombons ! » s'écria-t-il. L'ingénieur ne répondit pas. Cramponné au volant, il faisait se cabrer l'aéro qui bientôt remonta, son avant relevé, entraîné obliquement vers le zénith par son hélice. Cette espèce de chute n'avait duré que quelques secondes. « Mais que s'est-il passé ? » demanda sans patience, vite rassuré. « Rien que de très naturel, » répondit l'ingénieur. « Cette partie de la côte est assez élevée. » Elle forme comme une grande muraille contre laquelle le vent vient se briser, produisant par endroits des remous et des vides. C'est dans un de ces vides, ou fosses d'air, comme disent les aviateurs, que nous avons passé. Nos plans de sustentation n'avaient pour s'appuyer qu'un air moins dense que le milieu ambiant, et insuffisant pour supporter le poids de notre appareil. Il s'en est suivi la sorte de chute que vous savez. Ce phénomène est assez fréquent, surtout au-dessus des montagnes, à l'intersection des vallées ou pendant les orages ou les bourrasques. Et ces vides peuvent être profonds, oui. C'est pourquoi il est préférable en principe de voler à une certaine hauteur, pour pouvoir se rattraper avant d'avoir touché terre. Mais au-dessus de la mer, par temps calme ou vent régulier, ce qui est notre cas, il n'y a rien à craindre de ce côté. L'aéroplane avait regagné de la hauteur et l'aiguille du baromètre indicateur était arrêtée au chiffre 120. Derrière eux, la côte n'était déjà plus qu'une ligne. Peu à peu, elle devint indistincte, puis s'effaça. De quelque côté que le regard des aviateurs se tourna, ils ne virent plus que de l'eau. Tous deux, instinctivement, se regardèrent en proie à une émotion profonde. Désormais, chaque tour d'hélice les entraînait vers l'immensité où ils allaient se trouver seuls, livrés à eux-mêmes, n'ayant pour guide qu'une petite aiguille d'acier, pour véhicule qu'un fragile assemblage de métal et de bois, et pour soutien que leur courage. « Il est encore temps pour vous, mon ami, » dit sans patience d'une voix que l'ingénieur ne lui connaissait pas. Moi, je suis seul dans la vie, et si je succombe, je ne manquerai à personne. Mais il n'en est pas de même pour vous. Si vous n'êtes plus là, que deviendra votre sœur ? Bon, fit l'ingénieur, dont une seconde les yeux clairs s'embuèrent. S'il m'arrive malheur, René, grâce à vous, ne sera du moins pas dans le besoin. Pour moi, c'est l'essentiel. Mais il ne nous arrivera rien, je le sens. Cessez donc, mon cher, de jouer au prophète de malheur, et en avant. Sans patience, ne répondit rien, mais il serra silencieusement la main de son ami. Et tandis que le grand oiseau aux ailes d'argent continue à progresser rapidement vers l'ouest, dans l'immensité redoutable du ciel et des flots, tous deux, intérieurement, invoquèrent la protection de Dieu, maître souverain de nos humaines destinées.